The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Santa Claus. Le Père Noël. To hope. Espérer. North Pole. Le pôle Nord. Christmas. Noël. Bike. Le vélo. To be bored. S'ennuyer. To play. Jouer. Alone. Seul. Well behaved. Sage. To forget. Oublier. Now, a bit faster. To hope. Espérer. To be bored. S'ennuyer. To forget. Oublier. Well behaved. Sage. Christmas. Noël. To be bored. S'ennuyer. Santa Claus. Le Père Noël. To forget. Oublier. Alone. Seul. To hope. Espérer. To play. Jouer. Santa Claus. Le Père Noël. To hope. Espérer. To play. Jouer. To forget. Oublier. To be bored. S'ennuyer. To forget. Oublier. Bike. Le vélo. Now, use the words in context. Sage. She's a very good little girl. C'est une petite fille très sage. Espérer. We hope that he is going to come. On espère qu'il va venir. S'ennuyer. He is always bored. Il s'ennuie tout le temps. Seul. I am all alone in the house. Je suis tout seul à la maison.